sans crier gare, je me suis retourné, disparu dans la brume, un peu trop écœuré. De ces années perdues à trop vouloir chercher à qui mettre la faute sans jamais me regarder. Essayer de comprendre le pourquoi, le comment. T'es parti en courant, tanné de faire face au vent. Pour de bon, sans trop me poser de questions. J'ai beau tout faire pour raconter des peurs et dire que c'est pas pareil, tu me comprends pas quand je te dis que je suis juste ben au fond de ma bouteille. Faudrait un peu que j'allume avant de passer l'autre bord. Arrêtez de faire semblant de me fondre dans le décor. Ça fait déjà 5 ans que j'ai plus tes nouvelles. Qu'est-ce qui arrive avec toi? J'ai hâte que tu m'appelles. J'pourrais peut-être arrêter de tout recommencer. Laisse faire les promesses puis la laisser tomber. Pour de bon, sans trop me poser de questions. J'ai beau tout faire pour me compter des peurs, me dire que c'est trop pareil, tu me comprends pas quand je te dis que je suis juste ben au fond de ma bouteille. Les années ont passé sans jamais s'arrêter. Me v'là rendu trop vieux pour me dire je me suis trompé. S'il faut frapper un mur pour pouvoir me réveiller, je vais en boire une dernière tout en pensant à toi. Pour de bon, sans trop me poser de questions. J'ai beau tout faire pour me compter des peurs.